Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi et c'est l'heure de notre émission de Disco Funk. Pour la découverte du jour, un petit groupe funk inconnu de tous. Je vous présente Stroke et son titre Tell Me, sorti en 1985. Alors j'ai pas trouvé grand chose dessus et pourtant je vous promets, j'ai bien cherché. Alors je peux vous dire qu'il n'a sorti qu'un seul album, mais alors quel album? Il s'appelle comme le groupe Stroke. Alors en l'écoutant, j'ai découvert un autre tube, Just Another Lonely Night. Bon, mais finalement, après mûre réflexion, j'ai finalement opté pour Tell Me. Alors je vous dis bonne découverte. Short to be here. Ça commence fort, dites donc, hein, aujourd'hui. Hein. Et c'est pas fini, vous allez voir en fin d'émission une surprise. Alors, on va enchaîner avec nos 100 hits. Aujourd'hui, Odyssée et son tube Native New York. Avec ses 500 discothèques, New York est la ville qui ne dort jamais et c'est incontestablement la ville du disco. Pourtant, cette magnifique chanson illustre un phénomène qui touche les grandes villes, la solitude. Elle parle d'une jeune femme qui peine à trouver l'amour. C'est Frankie Valli qui enregistre la version originale, produite et arrangée par Charlie Calello. Par la suite, c'est Odyssée qui va remodeler le titre, qui sera d'ailleurs leur premier single. Liane Lopez, la chanteuse, a une voix rassurante. On va augmenter les cuivres, les cordes, pour en donner un tube disco. Alors une star du saxophone du moment, Michael Brecker, envoie un solo funky et athlétique comme il en a le secret. Ça va contribuer à la renommée du titre. Native New Yorker se classe top 3 disco. Malgré le spleen qui se dégage du texte, les New Yorkais affectionnent particulièrement ce disco et ils vont en faire un de leurs rimes les plus célèbres. Alors, c'était en 1978 et ça donnait ça. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors on passe à la bande originale. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau film, You Can Stop the Music. C'est le film des Village People. Réalisé par Nancy Walker en 1980, il s'agit du récit romancé et fantaisiste de la naissance du groupe Village People, bien sûr. Alors c'est un échec critique et financier, hein. Bon, bah, c'est un peu un nanar, quoi, comme on appelle maintenant. Le film a rencontré juste du succès en Australie. Il dure 2 heures et fait la part belle aux chansons du célèbre groupe. Alors pour le premier morceau, on va écouter le titre phare « You Can Stop the Music ». C'est parti. Alors, le maxi du jour, c'est pour France Jolie. Bon, depuis le temps que vous m'écoutez, vous savez que c'est un peu ma chouchoute. Mais bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté et ça nous manque. Et aujourd'hui, c'est au tour de Can We Fall In Love Again qui a les honneurs de la diffusion. Il est extrait de l'album Now, sorti en 1982. Alors, le titre, il est considéré un peu comme le petit frère de Come To Me. La célèbre chanson est une de mes préférées d'elle. Grâce à ce dernier, elle aura les honneurs de faire la première partie du concert des Commodores au Radio City Music Hall de New York. Alors, c'était en 1982 et ça donnait ça.

Alors pour la pépite, et c'est le moment de la surprise, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la disparition de notre Clo-Clo, et je vais vous proposer un inédit à la radio, The Vagabond. Aujourd'hui, ça fait 45 ans qu'il nous a quittés. Alors, la chanson, elle est l'adaptation française du single Dried Sommerlang de Connie Van Den Bos, sorti peu de temps avant, en 1975. La musique, elle est adaptée par Cyril Assouce et le texte par Eddie Marnet. Eddie a beaucoup écrit pour Claude François. Alors, le texte, il est très nostalgique et il donne une vision désabusée et assez triste de la vie de chanteur. Un vagabond qui passe et chante, un vagabond sans importance, et il correspond, on va dire, à l'état d'esprit dans lequel se trouve Claude François en cette année 1976. Le single de la chanson s'écoule à plus de 250 000 exemplaires, et en 1977, pour son album Is It in English, Claude François enregistre une version anglaise de la chanson appelée The Vagabond. Alors, la chanson, elle est dédicacée à Martine, comme je t'avais dit, tu ne connaissais pas ce titre. Et j'ai dédicace aussi à Christine, qui est partie depuis un an en retraite. Et après, je vous donne mon petit bonus. Soudain, il ne reste qu'une chanson de Clo-Clo, une de mes préférées aussi. Allez, bonne dégustation. From town to town, I wander through the years. I sing my songs of life and love and tears. I walk with fools, but seek the wise. My bed the earth, my canopy the skies. A restless soul, I play so many parts. A dream begins but ends before it starts. A marketplace, a tavern bar. I sing my songs where strangers are. What do I seek? I cannot say. I find my place, but then I walk away. A vagabond. Some other town is calling me away. I look at those who fall in love. It's something I know little of. And yet I love the life I lead. A place to sing is all I ever need. A vagabond. Lonely vagabond. qui revient toujours. Ah, c'est déjà fini, mais sachez que j'étais ravi de passer cette demi-heure avec vous. Alors, je vais vous dire bonne semaine et samedi prochain. Hein. Bye bye.